بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 6. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Est-ce que vous entendez؟ أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المهمة، ومنها النية في الإحرام والإهلال والتلبية ودخول مكة، كذلك مسألة هل هناك صلاة تخص الإحرام. وقرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يبط صلاة خاصة بغ الإحرام. كذلك on a نعم au début du cours précédent on a fait un petit تفصيل في أقسام المحظورات، et on a résumé محظورات الإحرام، et on a vu أو on a fait une إشارة إلى ماذا على المحرم إذا فعل شيئا من هذه المحظورات. فالحمد لله، واليوم نستمر إن شاء الله تعالى. قال الشيخ محمد بن حزام وفقه الله تعالى، قال: فيتوجه إلى المسجد الحرام متجها إلى نحو الكعبة، حرسها الله حتى يأتي الحجر الأسود أو يحاذيه إلى آخره. أولا نبه الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نبه فقال في رسالته النافعة مناسك الحج والعمرة، قال: واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام. Et ça, c'est un tambih muhim. Et à partir de ce moment, on est arrivé au moment où al-muhrim, al-mu'tamir, il rentre dans le masjid al-haram. Et il se rapproche de la Kaaba. Fahdhar fi hadha al-hal, mastata'at. Et ça, c'est un qaid muhim de Cheikh al-Albani. Mastata'at. Tu peux être dans une situation où tu n'as pas le choix. Ou tu n'as pas vu. Ou t'as été bousculé, t'as été passé devant un musalli. Lakin ihdhar mastata'at, fais tout ton possible an la tamur bayna yaday ahad min al-musallin fi al-masjid al-haram. Qala fadlan an ghayrihi min al-masajid wa ghayriha. Qala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam: law ya'lam al-mar bayna yaday al-musalli madha alayhi لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديث لصحيح. لو يعلم المرء، أي si celui qui passe devant ceux qui font salat, s'il saurait ce qu'il encourt, ce qu'il risque, il attendrait 40. الحديث n'est pas précisé 40 ans, 40 jours, 40 heures. Il attendrait 40 avant de passer. Ça montre que la mas'ala n'est pas simple. Et en fait, il n'y a aucune différence entre le masjid al-haram ou ghayri. Aïe, tu fais ton possible. Là, chacun a fait le masjid al-haram, c'est plus difficile. Et tu auras des cas où, probablement, tu n'as pas le choix. Ça peut arriver. Tu vas aller au WC où il y a quelque chose d'important. Et tu n'as qu'un chemin. Et wahid, il fait le salat et tu ne peux plus attendre. Ou tu es bousculé. Ou min hadha al-bab. Hadha yahsal. أما on ouvre les portes et on autorise mutlaqan anna fil masjid al-haram y'a pas de sutra et n'importe qui peut passer devant le musallin, fala. قال الشيخ الألباني: فهذا نص شامل كل مار ومصلي ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام. نعم، ولو جاءت بعض الأحاديث الصوبة صحيحة. فان فبابا سان حديث ضعيف avant un hadith sahih. Et les hadiths sahihs, شاملة كما قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ça s'englobe le musalli fi le masjid al haram ou le mar est celui qui passe fi le masjid al haram et dans les autres masajid. قال وعليك ان تصلي فيه كغيره لا ستره كذلك لا نتساهل الستره اتخاذ الستره c'est واجب على الصحيح ف On fait des efforts fi hada, que ce soit fi le masjid al-haram ou fi ghayrihi. Lakin, on a siha, on a choisi des endroits pour faire salat fi le masjid al-haram où il y a le moins de monde qui passe. Il y a des endroits où les gens ils ne passent pas. Il y a des endroits, c'est comme un chemin. Les gens yamurrun kathir, fa hunak sa tat'ab. Si tu fais salat et tu veux appliquer sunna sutra et tu veux pas laisser les gens passer devant toi, sa tat'ab. Fa écarte-toi, ahsan. Tu fais salat dans des endroits الناس فيها أو هم قليلون في ذلك الموضع قال وعليك أن تصلي فيه كغيره لا سترة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك أساس النصيحة الطيبة والله المستعان كثير من الناس خاصة في المسجد الحرام يpense que c'est autorisé فيمرون في هذا الحال tu les laisses pas passer بقدر ما تستطيع لكن كما نادي الأفضل c'est que tu t'écartes tu fais salat dans des endroits t'essayes de trouver des endroits في المسجد الحرام خاصة si tu fais des nawafil ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe أحسن سترتاح أكثر قال فيتوجه إلى المسجد الحرام متجها إلى نحو الكعبة حرسها الله حتى يأتي الحجر الأسود أو يحاذيه نعم سيأتي معنا أن الأفضل c'est d'embrasser, de toucher الحجر الأسود s'il peut pas il va au niveau de la pierre noire يتعلمون أن هناك ils ont fait une علامة ils ont mis une lumière ils ont fait une علامة sur le sol tu sais quand est-ce que tu es au niveau de la pierre noire فالطواف il va commencer à cet endroit قال ثم يطوف حول الكعبة ويجعلها عن يساره Et le sens de At-Tawaf, il est ma'rouf. Il est ma'rouf. Dès que tu arrives, tu vois tout le monde faire Tawaf dans le même sens. Fahada. Fa'anta, tu vas être debout et Al-Ka'bal va être à ta gauche. Et toi, tu fais le tour. Al-Ka'bal est toujours à ta gauche. Qala mubtadi'an min al-hajar al-aswad hatta yantahi ilayh. Ça, c'est un tour. Tu commences par al-hajar al-aswad, Al-Ka'bal est sur ta gauche. Et tu fais le tour et tu vas arriver au point par lequel tu as commencé. Tu comptes un tour. Voilà. Enfin, ce tawaf, il faut faire 7 tours. قال يفعل ذلك 7 أشواط. وإذا استطاع أن يقبل الحجر الأسود في أشواطه فعل. Si tu peux embrasser la pierre noire à chaque tour, فعلت. لكن هذا c'est نادر الآن. خاصة الآن الزحمة. Il y a du monde pratiquement toute l'année. Amma fi ayyam al-hajj. C'est très dur. Kadhalik fi al-umra fi ramadan, c'est très difficile. Et kathir min al-awqat l'an, c'est difficile. Wallah al-musta'an. Qala fa in lam yastati' fa yastalimuhu bi yadihi. S'il ne peut pas l'embrasser avec sa main. Qala wa in lam yastati' fa yastalimuhu bil 'asa. S'il ne peut pas avec sa main et il a un 'asa, un bâton ou autre. فيستلمه بهذا الشيء قال ثم يقبل العصا كذلك on va voir يقبل اليد si tu peux pas l'embrasser tu touches avec ta main t'embrasses ta main si tu peux pas avec ta main et t'as un asa tu fais avec l'asa et t'embrasses ce asa قال فإن لم يستطع فيشير إليه ويكبر si tu peux pas le toucher l'embrasser من باب أولى tu fais un signe de la main Et tu kabbar, Allahu akbar. Qala wa kullama ata alayhi stalama ou ashara wa kabbar. Et à chaque tour, tu fais hada. Si tu peux l'embrasser, tu l'embrasses. Si tu peux pas, tu le touches. Si tu peux pas, fa al-ishara. Tu fais un signe de la main et tu dis Allahu akbar et tu continues. An Jabir ibn Abdullah, on cite le dalil ala hada. Hada al-hadith, hadith Jabir ibn Abdullah. C'est un asl, azim fil hajj. Jabir ibn Abdullah, il a raconté dans ce hadith Hajjatul Wada'. Le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait et il a raconté. Enfin, c'est un long hadith. Al-Imam Muslim, il l'a rapporté. Al-Imam al-Bukhari, il n'a pas rapporté ce hadith. Al-Imam Muslim, faqat. Et c'est la base, fi manasik al-Hajj. Enfin, la plupart de ceux qu'ils ont écrit, fi manasik al-Hajj, ils se sont basés sur ce hadith. Enfin, c'est une référence, fi hadal bab. Hadith Jabir ibn Abdullah, fi sahih Muslim, kitab al-Hajj, tu retrouves ce long hadith. Et Jabir, il décrit manasik al-Hajj ou al-Umrah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Hajjat al-Wada' plutôt. قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فاستلم الحجر ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل سيأتي معنا. الشاهد هنا أنه استلم الحجر صلى الله عليه وسلم. مسألة هل تشترط avant de continuer. Non, c'est une masala fil haqiqa. On aurait pu la citer plus tard. Masala tishtirat al-tahara lit-tawaf. Lakin on la cite là, bas on la cite هنا. Non, لأن صحيح si il fait l'istilam ou il peut embrasser le hajar al-aswad, est-ce qu'il est à la tahara ou là, لأن il va commencer directement l'wudu. Voilà, bas si on la cite هنا. فهل تشترط الطهارة لصحة الطواف؟ Est-ce que ce tawaf الآن que tu vas commencer, est-ce que tu dois être à la طهارة أم لا؟ يا خلاف بين أهل العلم وشيخنا محمد بن حزام في فتح العلام شرح بلوغ المرام إلى فصل هذه المسألة فقال ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف. La plupart des savants, ils sont d'avis en al-tawaf yushtarat fih al-tahar. Aïe, t'es obligé d'être en état de pureté et d'avoir tes ablutions comme pour la salat pour al-tawaf. Ça, c'est un short. Ça implique que celui qui est pas à la wudu, il peut pas faire al-tawaf. Ça implique que d'aller qu'en a celui qui fait al-tawaf et il perd l'wudu, il est obligé de refaire l'wudu et il continue al-tawaf. هذا سيقول سيقول أكثر أهل العلم قال وهو قول مالك الإمام رحمة الله عليه والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. Donc les trois imams مالك والشافعي وأحمد et d'autres, ils ont dit أنه سنشرط في الطواف أي الطهارة سنشرط. قال واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف كما في حديث أو كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وقد قال خذوا عني مناسككم. الحقيقة ça c'est pas un نص في الوجوب أو que c'est un شرط, لكن les autres أدلة ça va renforcer ce قول. أما هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الطهارة et il a fait الوضوء et il a fait الطواف. في الحقيقة on n'a pas الوجوب في هذا, لأن il y a beaucoup de choses que النبي صلى الله عليه وسلم il a fait في الحج, c'est pas obligatoire. Donc, premier hadith, hadith Aïcha, radiyallahu anha, un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qala khudu anni manasikakum, et parmi ces manasik, il a fait at-tawaf ala tahar. Un hadith plus clair fil wujub, qala wa bi hadith Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, fil sahihain, annaha hadat, fa qala laha al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Eh, n'am. حاضت. Elle a eu ses règles, رضي الله عنها, juste avant le tawaf. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج. Ça c'était في حجة الوداع. غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. تطوفي بالبيت حتى تطهري. اي نعم. فça c'est un hadith قوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il lui a autorisé à faire tout ce qui fait le حاج sauf le tawaf. Alors ça montre annahu, si al-tahara c'était pas obligatoire pour le tawaf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait pas dit à Aïcha ne fais pas le tawaf. Mafhoum. Wastadallu kadhalik. Fa hadith Aïcha le deuxième, il est qawi. Qala wastadallu bi hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qala al-tawaf bil bayt salat illa annahu خفف لكم فيه الكلام. اي نعم. At-tawaf bil-bayt salat. Fabn Abbas il a comparé At-tawaf avec la salat. Lakin al-salat, elle a besoin de tahara. Fa hakada at-tawaf. Aqwa ma stadallu bihi c'est hadith Aisha. Lianna y a beaucoup de choses fil haqiqa. Kama bayyana Sheikh al-Islam, et Sheikh ibn Uthaymeen kadalik fi sharh al-mumti', il a démontré anna al-istidlal bi hadith Ibn Abbas, comparé tawaf et salat, il y a beaucoup de choses, c'est pas pareil. Fa matalan, tawaf, at-tawaf, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud, alors que salat, il y a le recours ou le sujoud. Tu ne peux pas comparer à salat ou à tawaf dans tout. Fa aqwa hadhihi al-adilla, أي من حيث الاستدلال سحديث عائشة رضي الله عنها فالحقيقة يكفي قال وقد روي مرفوعا وموقوفا أي حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم فيه الكلام قال وقد روي مرفوعا وموقوفا ورجح النساء والبيهقي والمنذر والنووي وغيرهم وقفة en plus حديث ابن عباس il est موقوف. C'est pas un hadith marfou à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Ibn Abbas. Là, qu'il le cite fil bab, ça appuie al-qawl bil-wujub. Wa dhahada jama'a min ahli al-ilm ila anna at-tahara mustahabba wa laysat bi shart. Ba'du ahli al-ilm qalu anna at-tahara c'est pas un shart. Ay si fi at-tawaf avec at-tahara c'est mieux. S'il n'est pas à la wudu, il peut faire tawaf. Wa hadha al-qawl akhtarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et c'est qawl Abi Hanifa rahimahullah. Et Sheikh Ibn Uthaymeen kadhalik mala ila hadha al-qawl fi al-sharh al-mumti'. Lakin al-sawab alladhi yadhhar an at-tahara c'est un shart pour le tawaf. Et c'est qawl Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Donc نستفيد نحن من هذا أنه تأبليجي دت على الطهارة فنحن نكونسي أن نتفي الوضوء دكتور avant de rentrer في المسجد الحرام لأننا تعلمون ça va vite. Tu vas rentrer, tu vas arriver vers la Kaaba, tu vas, si tu peux toucher la pierre noire d'une bab ou la l'embrasser ou faire un signe, tu commences le tawaf, tu dois être à la tahara. Et تعلمون أن pour faire l'wudu, tu ne peux pas le faire l'wudu عند الكعبة. Et ma zihan, tu auras beaucoup de mal à sortir et à revenir. Fan nasiha, c'est qu'on fait al-wudu avant de rentrer fil masjid. Hatta si on rentre fil masjid, on est à la tahara, et inshallah, on peut faire al-tawaf et ce qui vient après. Surtout tawaf. Lien al-tawaf, la bud fihi min al-wudu. Kama taqaddam ma'ana, qara'at hadha al-bahth al-mukhtasar al-mufid. Fa idha ahdata, ay, s'il perd l'eau d'eau, il y a tawadda. S'il perd l'eau d'eau maintenant au troisième tour, il a fait troisième tour du tawaf, il faut en faire sept. Rien dans le hal, il y a khruj. Ou il y a tawadda, et il revient et il continue son tawaf. Sauf si un fasl kabir, il met du temps à trouver les WC, ou il fait quelque chose d'autre, ou il en profite pour faire madri ej, rien dans le hal, il reprend un tawaf min al-bidaya. Ça y a été ma'ana cette mas'ala. Est-ce que tawaf, tu dois le faire d'un coup ou tu peux couper? Lakin, si c'est une coupure que pour faire l'odo, et il revient, enfin, il reprend d'où il s'est arrêté. S'il s'arrête au troisième tour, il reprend au troisième tour. Hada wallahu a'lam. On revient à mas'ala taqbil, ou istilam al-hajar, et les mas'ala qui sont liées à la pierre noire. Qala al-imam al-albani, rahmatullah alayh, fi manasik al-hajj wal-umra, qala thumma yastalimuhu biyadeh. Donc quand tu arrives, tu es à la wudu, tu es à la tahara, tu vas en direction de la pierre noire. Si tu peux l'approcher, yastalimuhu biyadihi, ay al-hajar, wa yuqabbilu. Tu l'embrasses. Qala bifami. Wa dalil ala hadha hadith Umar radiyallahu anhu, annahu jaa ila al-hajar al-aswad fa qabbala. Umar ibn al-Khattab, il s'approchait de Al-Hajar al-Aswad et il l'embrassait. فقال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا c'est un délil أن عمر رضي الله عنه il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم embrasser la pierre noire. Donc si on peut l'embrasser c'est l'afdal. لكن هذا الاستلام ou le fait de l'embrasser ou la toucher, c'est pas même bab al-tabarruk comme يظن البعض. il se frotte, ou il pense qu'il y a une chose, la baraka, ou là, ça c'est un amr ta'abboudi. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, et nous on le fait, min bab al-iqtida bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. فلهذا عمر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. T'es une pierre, tu peux faire aucun mal et tu peux donner aucun bien. فالعقيدة في الله والاعتماد على الله. أما بعض الجهال يظن أن الحجر الأسود elle va lui donner. أو ربما بعض الناس يفون الدعاء أو il s'essuie, il pense que ça va le guérir. لا. Voilà, aqidat al-muslim, il ne la place pas fi hajar. Voilà, c'est le hajar al-aswad al-fadl al-azim. Al-fadl al-azim, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a fait. Et on s'arrête. Famim bab awla, wa'aduhum, il s'essuie à al-ka'ba, ou à maqam Ibrahim, ou à al-jidar, fi al-majid al-haram. Tout ça, c'est pas min sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma fa'alahu ashabuhu al-kiram, radiyallahu anhum. Ça sera un khayr, il nous aurait devancé. La tadonanna as-sahaba, ils ont délaissé quelque chose où il y a un bien et nous on va le faire après eux. Ah ben, c'est afdal al-nas, c'est ahsan al-nas, ba'd al-anbiya. Et ils étaient ahras, ala fi'l al-khayr minna. Fa nahnu ma'alayna illa l'ittiba. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hakada qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu. فهذا تنبيه مهم. قال شيخ الألباني فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده. نعم. S'il peut pas l'embrasser, il touche la pierre noire avec sa main et il embrasse sa main. والدليل على هذا حديث ابن عمر أخرجه الإمام مسلم أنه رضي الله عنهما استلم الحجر ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. فإلى vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire هكذا, toucher la pierre noire avec sa main et embrasser sa main, فابن عمر il faisait هكذا. حديث إليه on a dit في صحيح مسلم. قال شيخ الألباني فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده. S'il peut ni l'embrasser ni toucher la pierre noire avec sa main, الإشارة, il fait un signe, il se met au niveau de la pierre noire, il fait un signe, la main droite, et il commence. قال ويفعل ذلك في كل طوفة. À chaque tour, il fait هكذا. Dès qu'il arrive au niveau de la pierre noire, s'il peut l'embrasser, il l'embrasse, sinon il la touche, sinon il fait un signe. قال ولا يزاحم عليه. Et ça c'est un autre tambih. ولا يزاحم عليه. Et ne te bouscule pas, Akhil Karim, pour toucher la pierre noire. Lien à toucher la pierre noire ou l'embrasser, c'est sunna. C'est sunna. Et faire du mal à ton frère, c'est interdit. Et tu ne peux pas faire une chose interdite pour appliquer une sunna. Ça c'est pas min al-fiqh. Là, respecter tes frères et ne pas leur faire du mal, c'est obligatoire. Enfin, comment tu délaisses une chose obligatoire pour une sunna? فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِعُمَرِ يَا عُمَرِ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلَا تُؤْذِي الضَّعِيفِ وَإِذَا أَرَدْتَ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فَإِنْ خَلَى لَكَ فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. عمر c'était un homme qawi. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, fais attention de ne pas faire du mal à un va'if. Wa idha arat taslam al-hajar, si tu veux la toucher ou l'embrasser, si tu peux, il n'y a pas beaucoup de monde, tayyib, sinon tu fais un signe. Hakada. Al-Mansayib al-An, anna hunak, عند al-hajar, il y a beaucoup de monde. Nisa, il y a des hommes, il y a des femmes. Et ta'alamoun, anna tout le monde est serré. Anna tout ça, l'imad. Tout ça. Pour toutes ces ma'asi, faire du mal. Ba'duhum, ils s'engueulent. Ba'duhum, Rubbama, ils arrivent à en venir aux mains. Ba'duhum, Rubbama, ils touchent une femme qui ne lui est pas halal, etc. Tout ça, pour appliquer une sunnah, ça, c'est pas min al-fiqh. Abadan. Abadan. Nahnu nansah, khasatan fi ayyam al-hajj. An-nas kathir. Nansah, nahnu bil-bu'ud. Et tu fais un signe, et inshallah, t'es à la khayb. بقي ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف الآن on a vu ensemble السنه par rapport à الحجر الأسود le fait de la toucher l'embrasser etc الآن ماذا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر الشاهد le reste on l'a vu وكبر وبوب عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه باب التكبير عند الركن السنة الذي جاء به الحديث أو جاءت به نعم الحديث التكبير تجي الله أكبر قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح قال فيه استحباب التكبير عند الركن الأسود أي الحجر الأسود في كل طوفة à chaque fois que tu passes inda, tu finis ton tour et tu reviens au point de départ et inda al-hajar al-aswad tu kabbar qala wa s-sahha ou intaha kalam al-hafid wa s-sahha kathalik an ibn Umar radiyallahu anhuma kama fi musannaf Abd al-Razzaq wa kathalik fi sunan al-Bayhaqi annahu kana yaqul inda an yusallim al-hajar bismillah wallahu akbar Ibn Umar radiyallahu anhu s'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique annahu il rajoutait le basmala radiyallahu anhu قال الامام الالباني رحمه الله عليه ثم يبادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا فيكبر التكبير on a dit on a un hadith مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت etc وكبر هذا لا شك سنة قال والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا أما التسمية ça a pas été rapporté عن النبي صلى الله عليه وسلم ça a été rapporté موقوفا أي فعل ابن عمر رضي الله عنهما قال ووهم من ذكره مرفوعا أما ceux qu'ils ont cité لأن c'est vrai que كثير من الناس qu'ils ont écrit في هذا الباب أو qui expliquent مناسك الحج ils expliquent أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبر يعفون إلى دي البسملة في الحقيقة لا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبر celui qui a dit le basmala la chaîne de transmission qu'on a elle s'arrête ابن عمر هذا سنتنبيه مهم de الشيخ الألباني et ça ça montre قوة هذا الإمام في الحديث أنه il est précis رحمة الله عليه على كل حال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم c'est التكبير ومن زاد التسمية فلا ينكر عليه celui qui dit bismillah Allahu akbar la yunkar alayh lakin as-sunnah as-sahiha ay min fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sa at-takbir faqat il y a un autre rukn coin de la Kaaba qu'on peut toucher c'est ar-rukn al-yaman an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yastalim ar-ruknayn al-yamaniyayn donc Al-Kaaba, il y a plusieurs côtés. Quatre côtés. Elle est en forme de carré. En forme de cube plutôt. Le premier, c'est Al-Hajar al-Aswad, quand tu arrives. C'est celui-là que tu embrasses, tu embrasses la pierre noire, etc. Toi, tu fais le tour, Al-Kaaba, elle est à ta gauche. Tu vas arriver au deuxième coin. Toi, tu continues le troisième coin. Toi, tu continues le quatrième coin. Et le dernier coin avant Al-Hajar al-Aswad, c'est celui-là, al-rukn al-yamani. Fahada yajouz kadhalik wa yushra istilam. Donc tu peux toucher deux coins. Al-rukn al-yamani et al-hajar al-aswad. Wa naqala al-imam al-nawawi rahmatullah alayhi al-ijma' al-istihbab istilam. Ijma' al-ulama, anahu c'est recommandé de toucher le coin. Al-rukn al-yamani. Amma taqbiluh. أي تقبيل الركن اليماني أي l'embrasser أو embrasser sa main أو العصا etc فلا دليل عليه ça c'est pour الحجر الأسود أما الركن اليماني الاستلام فقط si tu le touches pas فتمر ومن باب أولى استلام الركنين الشاميين هي نعم لأن les deux ركنين Les deux autres, ils sont en direction du Sham. Falihada, il les appelle Al-Ruknayn Al-Shamiyayn. Les deux autres, Al-Yamaniyayn, c'est en direction du Yémen, le sud. Et Sham, c'est en direction du nord, Aïd Mecca. Falihada, ils les ont appelés avec cette tasmiya. Fa Al-Ruknayn Al-Shamiyayn, la dalil ala stilamuhuma kadhalik. Il n'y a pas de délit. Ces deux coins, tu passes et ni tu touches, ni tu fais un signe, min bab awla, tu embrasses. هذا ما يتعلق بهذه أركان الكعبة أي les coins. Est-ce que tu embrasses, est-ce que tu touches? فهذا هو التفصيل في ذلك. الخلاصة أن الحجر الأسود, si tu peux l'embrasser, tu l'embrasses. Si tu peux pas, tu touches avec ta main, tu embrasses ta main. Si tu peux pas, بالعصا. لكن شيخ ابن عثيمين il a نبه النبي العصا, النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait quand il était sur sa monture. Est-ce que si tu n'es pas sur ta monture et tu as un asa, tu le fais? Alladhi yadhhar anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait hakada. Fayundhar, est-ce que c'est khas pour la monture amla? Si tu n'as pas le asa, tu, de loin, tu fais un signe avec ta main droite, et tu dis Allahu Akbar. Thomas, tu fais le tour, le premier rukn qui est après le Hajar al-Aswad, la Kaaba sur ta gauche, tu ne le touches pas, tu n'embrasses pas. Le suivant, kadalik, dès que tu arrives al rukn al-Yamani, فَيُشْرَعَ الْإِسْتِلَاءِ T'as le droit de toucher. بَلْ c'est مَشْرُعَ c'est مُسْتَحَبْ Tu le touches et tu continues. هَذَا هُوَ السُنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَسْأَلَة Et on la cite maintenant, لِيَنَّا سَلِيَا مَا تَقَدْتُمْ التَّبَاعُدْ عَنِ الْبَيْتِ فِي الطَّوَافِ قَدْ يَقُلْ قَائِلْ Donc c'est mieux de faire le tawaf proche de la Kaaba pour pouvoir toucher. نعم استحب أهل العلم الدنو من البيت عند الطواف. العلماء يقولون de se rapprocher من البيت أي من الكعبة quand tu fais le tawaf. لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم quand il faisait le hajj ou l'umra il se rapprochait de la Kaaba, il faisait le tawaf. وهكذا الصحابة وهكذا المسلمون. نعم pour te montrer هذا أن si خاصة في العمرة أما في الحج tu trouveras pas que c'est vide أبدا أما في العمرة tu peux faire une عمرة dans l'année خاصة de nuit et tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de monde فلا ينبغي que tu t'écartes là tu te rapproches le plus possible et tu fais le tawaf كذلك pour pouvoir appliquer les sunan qu'on a dit embrasser la pierre noire toucher le rukn yamani etc فلا شك أن c'est مستحب الدنو من البيت قال الإمام النووي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد وأجمع على أنه لا طواف لا لو طاف نعم قال وأجمع على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح طيب أما سكرتي الكعبة طنت في المسجد صحيح الطواف صحيح نحن on a dit c'est mieux c'est recommandé c'est مستحب أما celui qui s'écarte même si le masjid il est vide son tawaf il est sahih لكن celui qui fait tawaf en dehors du masjid الحرام مثلا il s'écarte حتى il sort من الأبواب et en dehors du masjid فهذا son tawaf il est pas sahih ولله الحمد المسلمون يفون الطواف في الداخل داخل المسجد قال النووي رحمة الله عليه واتفق أصحابنا أي الشافعية كانت الإمام النووي دي أصحابنا أي أصحابه أي ceux qui suivent المذهب مذهب الإمام الشافعي قال على أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح الطواف في جميع فهذه الفائدة الطيبة خاصة النجوم أنهم يزون راغوندي المسجد الحرام فقد يقول قائل اسك الطواف الصحيح لأن على époque ça faisait pas partie du masjid أجمع أصحاب الإمام الشافعي c'est le قول الصحيح أنه plus le masjid il est agrandi plus ça reste une zone pour faire le tawaf لأن ça fait partie du masjid وصح الطواف في جميع كذلك الطواف في السطح sur la terrasse du masjid al-haram كذلك ça fait partie du masjid al-haram Une règle pour pas oublier chaque endroit où c'est compté à salat fi al-masjid, t'es fi al-masjid al-haram, fa yassih fiha al-tawaf. Voilà. Maintenant, est-ce que salat al-jama'a, elle est sahiha fi al-sath? Non, sur la terrasse, non. Al-muslimoun, ils font les rangs là-bas, et al-jama'a, elle va jusqu'au sath. Fa hakad al-tawaf. Tu peux faire al-tawaf fi al-sath. مسألة أخرى برابط طواف ماذا يقول أثناء طواف هذا مهم الآن أخي الكريم tu sais les sunan par rapport à la pierre noire, par rapport au coin, tu sais qu'il faut que tu commences au niveau de la pierre noire, le Kaaba elle est sur ta gauche, tu sais qu'il faut que tu sois à la tahara. Al-an, tu vas commencer à tawaf, tu vas commencer à tourner 7 fois autour de la Kaaba. Famada taqul. قال الشيخ محمد بن حزام وفقه الله في فتح العلام même la مسألة précédente qu'on a cité les مسائل qu'on cite غالبا c'est من فتح العلام فأحيانا لا نذكر اسم المؤلف on رخص المسائل أحيانا on le cite قال يشرع للطائف الطائف على وزن فاعل c'est celui qui fait الطواف قال أثناء الطواف ويستحب له ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن إيه نعم هذا Pendant le tawaf, Akhil Karim, tu t'occupes du dhikr. Tu t'occupes du du'a. Tu t'occupes du qira'at al-Qur'an. Naam. Ihdhar min al-kalam al-farigh. Wa min al-qil wal-qal. Eh naam. Ihdhar ashadd al-tahdhir min al-ma'asi. Et parmi les ma'asi qui sont propagés, wallah al-musta'an, عند al-tawaf, c'est de prendre des photos. والله للأسف الشديد سعجيب جدا أنا بعضهم الآن في الطواف في فيلم لويمم مصيبة تليفون الآن avec les caméras qui tu peux te filmer toi-même في الطواف في فيلم ثم il envoie ça à فلان et فلان c'est une عبادة لابد الإخلاص فلا حاجة لهذا c'est une معصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ويقول عيسى صلى كل مصور في النار يتدخل هذا في الطواف عبادة أي فسد معصية ونعوذ بالله من الانحراف صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الطواف بالبيت صلاة فأقل الكلام فيه استمع وانتبه لنصيحة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاة On a déjà cité l'autre athar, et ça c'est un deuxième. Alors il compare le tawaf avec le salat, et il dit فَأَقِلُّ الْكَلَامِ فِيهِ لِأَنَّا c'est permis de parler avec le tawaf. لَكِنْ أَقِلُّ الْكَلَامِ Concentre-toi sur le zikr, sur le du'a, qira'at le Qur'an, t'es fait ibadah, une ibadah azima. Et si une haja pour parler, il joue, c'est pas haram. قَالَ نعم أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أثر ابن عباس صحيح عند ابن أبي شيبة قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه والعمل عند أكثر أهل العلم على هذا يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله أو من العلم نعم كذلك مراجعة العلم أو تكسبليكا كلكان كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب كذلك تتكونسي هذا كان فخير كذلك الكلام الطيب une حاجه quelqu'un a besoin d'un service ou هذا tout ça c'est مشروع c'est يجوز لكن on fait attention au كلام الفارغ et on fait attention aux معاصي qui sont propagés تنبيه جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بين الركنين النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث انه قرأ بين الركنين اليمانيين أي الركن اليماني لا بيغ نوار أي quand tu fais le tawaf tu commences par le ركن اليماني ثم tu tournes t'arrives le troisième ركن t'arrives ou le quatrième avant le si on compte le حجر الأسود t'arrives au ركن اليماني أي celui qu'on a dit tu peux le toucher c'est la dernière partie du tawaf entre ce ركن اليماني et le حجر الأسود وبعض العلماء استحبوا هذا الدعاء المذكور في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاستحب جماعة من أهل العلم أن يقرأ الطائف بين الركنين اليمينيين أي هذا الدعاء نعم الحديث كما démontré الشيخ محمد في فتح الإعلام قال الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهم وفيه عبيد المكي وهو مجهول نعم فيه عبيد المكي وهو مجهول إلى السيتي en détail علة هذا الحديث فعلى هذا قال وعلى هذا فلا يستحب تخصيص هذا الذكر وفيما أذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا بسيتي في مناسكه فينظر إسك الشيخ الألباني كذلك إلى أعلى هذا الحديث إلا ضعف قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أما الشيخ عبد المحسن العباد dans sa risale il cite ce dhikr. Fa ya khilaf bayna al muhaddithin bayna al ulama fi tashih aw tad'if hadha al hadith, lakin alladhi yadhhar an al hadith fihi dha'f. Qala Sheikh Abdul Muhsin حفظه الله وأما ما يأتي بعض الناس من أدعياء مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة. صحيح بعضهم إذا كتيب un petit livret et chaque tour, le premier tour, ils doivent dire un dua et ils rajoutent من المخالفات على المخالفة الأولى أي le dhikr le muhdath, ils rajoutent une autre bid'a, أنهم ils disent 100 groupes. Et il y a une troisième mukhalafa, les femmes, كذلك, elles lèvent la voix. Il y a une quatrième mukhalafa, elles gênent les autres. Et là, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلَا لَا يَنْبَغِي هَذَا. Et on conseille les frères de faire nasiha, بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ, خَاصَةً si tu parles avec Wahed et tu sens qu'il comprend, qu'il veut savoir, فَبِيِّنْ لَهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ, أنه il ne perd pas son temps بِهَذَا لِأَنَّ الْوِدَعُ وَالْمُحْدَثَاتِ سِيْخُشُتِي كَمَا بَيِّنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ لِأَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ, أي العمل اللي مردود عليه. On montre, et tu lui montres أنه يقرأ القرآن, يقرأ سورة الفاتحة, il fait des أذكار, يستغفر, يكثر من التسبيح والتحميد والحمد لله والحوقلة etc. إن شاء الله يسقى على خير. ثم قال الشيخ محمد وفقه الله قال ويستحب للمعتمر إذا كان رجلا أن يرمل الرمل أن يرمل أو يرمل والرمل السرعة مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الثانية الباقية نعم ويمشي في الأربعة الباقية وأما المرأة فلا يستحب لها الرمل. الرمل c'est السرعة مع مقاربة الخطى, أي tu c'est pas tu cours لكن tu avances rapidement. مقاربة الخطى أي les pas ils sont rapides et ils sont proches, c'est pas des grands pas, c'est des petits pas. Hey, na'am. Fahada ar-ramal. C'est pas tu cours, c'est pas tu marches, c'est entre les deux. Tu trottines et c'est beaucoup plus rapide que la marche. Ahada yushra li al-mu'tamir les trois premiers ashwat, les trois premiers tours. Na'am. Et les quatre autres, ils marchent normalement. Amma al-mar'a فقال ابن المنذر رحمة الله عليه أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة. أما المرأة elle court pas et elle trottine pas, elle marche que ce soit في البيت أو حول البيت الطواف أو que ce soit بين الصفا والمروة السعي كما سيأتي معنا. عن جابر رضي الله عنه قال فرمل, أي الحديث كم وزادي ليكسبليك حج النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج كم اللي زاف النبي صلى الله عليه وسلم, قال فرمل ثلاثا أي النبي صلى الله عليه وسلم ومشى أربعة. دونك سين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة وهو السنة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم كذلك طواف العمرة, أي كنت celui qui arrive à Mecca que ça soit pour l'Umrah هنا نحن نتحكى أنه يفعل العمرة, دونك يكومونس باغ الطواف. قال ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. إي نعم النص واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعل. إسكو الرمل الرمل الرمل نعم بفتح الميم, إسكو الرمل إلى في الطواف كاملا أنتي أم أنتخو لدو ركنين يمشي. نعم لأن يا دوزيام حديث نقرأ الشيخ محمد في فتح الإعلام حفظه الله إلى بحث مختصر في هذا. قال ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمشي بين الركنين اليمانيين لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط ويمشوا بين الركنين. والحديث اللي في الصحيحين علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit الرمل أي les trois premiers tours, لكن dans ces trois tours qui font الرمل ou qui trottait, entre les deux rukn, al-rukn al-yamani ou al-hajar al-aswad, il marche. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين قال وذهب أكثر أهل العلم donc certains savants ils se sont appuyés sur le hadith ibn Abbas pour dire que tu marches entre les deux d'autres savants c'est l'akthar la plupart ils ont dit يرمل الثلاثة الأشواط كاملة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وأصحاب الرأي et d'autres savants l'imam مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد et d'autres ils ont dit بل Ar-Ramal, c'est les trois premiers tours. Sans s'arrêter. Tu t'arrêtes pas entre Ar-Rukn al-Yamani ou Al-Hajar al-Aswad. Ou Ad-Dalil, ils ont cité Hadith Jabir fi Sahih Muslim. Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ramala min al-Hajar al-Aswad hatta intaha ilayh. Jabir, il rapporte à Nabi sallallahu alayhi wa sallam ramala, il a trottiné min al-Hajar al-Aswad jusqu'à Al-Hajar al-Aswad. Et sans s'arrêter. Ça, c'est important de comprendre. Si des hadiths en apparence ils se contredisent, la bout que tu fasses al-jama. Et ça, wallahi alhamd, on l'a étudié fi usul al-fiqh. Cheikh Ibn Uthaymeen a une risala nafi'a fi hadha al-bab al-usul min ilm al-usul et il a un chapitre muhim dans cette risala al-jam'u bayna al-adilla. Si un hadith da'if, la chaque s'il y a deux hadiths, un da'if, un sahih, tu fais passer un sahih avant. Lakin l'an, les deux ils sont sahih. Dès que les deux ils sont sahih, tu verras qu'une des solutions pour faire le jam' c'est un nasikh ou un mansoukh. Rubama, il y a un hadith qui est venu après, il abroge celui qui était avant. Et c'est le cas ici. Naam. Naqra. Qala. Wa anhu, ayf sahih muslim. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala ramala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-hajar ila al-hajar thalathan wa masha arba'a. Ibn Umar كذلك rapporte à l'Annabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est pas arrêté comme dans le hadith Jabir قال وصحى من فعل ابن عمر وابن مسعود كذلك c'est rapporté à l'Ibn Umar ou à Ibn Mas'ud il faisait un ramal et il s'arrêtait pas entre le rukn al-yamani et le hajar al-aswad هذا القول قال شيخ محمد هو الصواب اي tu t'arrêtes pas لأن هذا هو آخر الأمرين وهو في حجة الوداع قد يقول قائل comment on sait que le hadith Jabir il est venu après. Pourquoi ce ne serait pas Hadith Ibn Abbas? Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Les Anna Hadith Jabir, il raconte, il explique Hajjat al-Wada'. Et c'est le dernier Hajj que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il est revenu à Médine et il est mort quelques temps après, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fala shak Anna Hadith Jabir, c'est la dernière fois que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le Hajj. Fala si tu as un autre Hadith qui contredit Hadith Jabir, tu prends Hadith Jabir. Lianna l'autre Hadith, il sera abrogé. Et on a un exemple huna. Fala hada, c'est sawab. وهو في حجة الوداع وحديثهم كان في عمرة القضاء et c'est quelques temps avant حجة الوداع donc on fait passer hadith Jabir avant donc on s'arrête pas c'est ça sunnah مسألة الأفضل est-ce que c'est الدن من الكعبة مع عدم القدرة على الرمل أو الرمل ça c'est une autre faïda et c'est une مسألة elle arrive beaucoup est-ce que c'est mieux de te rapprocher de la Kaaba on a dit نحنو dans le dars, on a expliqué que l'afdal c'est de se rapprocher de la Kaaba. Comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin tu vas voir un cas, khassatan si y a du mot, si tu te rapproches de la Kaaba, tu ne pourras pas appliquer cette sunna al-ramal. Aïe, de trottiner. Tu ne pourras pas, il y a du mot. Est-ce que via al-hal c'est mieux de s'écarter de la Kaaba? Hatta tu peux appliquer cette sunna. Qala al-imam al-sheikh. محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع قال فإن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يسيتونوت مسألة avant la lit قال الازدحام المكان وتيسر له في الأشواط الأخيرة لخفة الزحام فلا يقضى لأن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى وقد فات محلها نعم الشيخ بن عثيمين avant de citer la masala qu'on a dit cite هذه قال مثلا il peut pas faire un ramal dans les trois premiers. Les Nahou, il y avait du monde. Tumma, les trois derniers, maintenant, il y a moins de monde. Est-ce qu'il remplace les trois premiers qui ne pouvaient pas faire ramal, il les remplace par les trois derniers? Qal, shirul a'timil, là. Sahih, là. Les Nahou, sunnah, c'est dans les trois premiers. Si tu ne peux pas, fatem a'dour. Et en plus, ce n'est pas obligatoire, aslan. Amma, que tu les fasses dans les trois derniers, là, c'est une ibadah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait. Et ça ouvre bab al-bida' ou al-muhdathat. Là, tu peux, tu fais, tu peux pas, t'as pas remplacé. L'Ianna, c'est une ibada mahva. Elle a un nombre précis, elle a une façon précise, elle a un temps précis. Même, le nombre précis, c'est 3. La façon précise, c'est tu trottines. Et le temps précis, c'est les 3 premiers. C'est pas les 3 derniers. Ah là, ah là, c'est mohim. فإن قال قائل وربنا نتمسلا إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم؟ الآن إما je me rapproche de la Kaaba, j'applique la Sunna, c'est mieux de se rapprocher de la Kaaba, لكن je ne peux pas faire le ramal. أو j'applique Sunna le ramal, je m'écarte, c'est mieux pour appliquer le ramal. قال الشيخ ابن عثيمين قدم الأول فرمل. نعم. Ça c'est أفضل. T'appliques sunnat al-ramal. Limada. قال ولو بعدت عن الكعبة لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. نعم. لأن العبادة المهم الرمل الآن sa façon la عبادة المهم c'est de le faire de la façon qu'on a cité. Tu trottines. أما فضيلة الزمن c'est pas directement lié à l'ibada, non. Cette ibada, c'est mieux de la faire dans tel endroit, et proche de la Kaaba. Enfin, dans ce cas, tu as une règle, tu fais passer. Kaba qala al-Sheikh ibn al-Taymin, qala, wa law ba'uta al-Kaaba li mura'at al-fadila al-mut'alliqa bi dhat al-ibada. C'est afdal. Lianna l'ibada doit être faite ainsi, et en trottinant. Toi, tu regardes l'endroit si c'est mieux. Enfin, tu qaddam la façon de la faire, toi, tu regardes l'endroit. Si tu peux pas l'endroit, fais cette sunna, c'est afdal. Même si tu t'écartes un peu de Al-Kaaba. هذا كلام نفيس للشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ محمد ويستحب للرجل الاطباع في الطواف بالبيت فقط وأما قبل ذلك وبعد ذلك فلا يشرع ذلك. ثم كذلك quand il fait le tawaf, on a dit الآن il faut que ce soit à la tahara. On a dit il touche la pierre noire, etc. On a dit les trois premiers il les fait en trottinant. كذلك الاطباع. قال وهو أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن قال ويرد طرفي على كتفه الأيسر ويبقى كتفه الأيمن مكشوفا. نعم أي ديكوفر سون إيبول دغوا يفي باس الرداء سو سون برا دغوا حتى سون إيبول غوش على كوفرت سون إيبول دغوا على ديكوفرت هذا سي معروف. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه ويستحب الاطباع في طواف القدوم طواف العمرة كذلك لما ورد لما روى أبو داود وابن ماجه عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا إسناده صحيح. هذا معروف. هذا سكو pendant الطواف. هذا سكو pendant الطواف. avant الطواف tu le fais pas et après الطواف tu le fais pas. que pendant الطواف الاطباع ثم تتكوك. كثير من الناس يغست l'épaule droite découverte toute la umra ou tout le hajj. Et هذا لا الدليل اللي venu ان النبي صلى الله عليه وسلم faisait tawaf فقط. قال او ذهب الوقت. نعم ذهب الوقت ان شاء الله نكتفي بهذا. حياكم الله.